Voici votre bulletin régional. Quatrième et dernière clinique impôt, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François à Weedon, le 25 mars de 9h à midi et de 13 à 16h, au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, 209 des Érables, local 314. Quatrième et dernière clinique également à Sawyerville, de 13 à 16h à la salle communautaire de Sawyerville, 6 rue Church. Aussi, première clinique impôt à La Patrie, le 26 mars, de 9h à midi, à l'hôtel de ville de La Patrie, 18 Chartier. Les ateliers Femmes vers le haut se poursuivent le 26 mars à 10h à La Patrie. Inscription 819-570-1134. Les 26, 27 et 28 mars, vente de jonquilles au profit de la Société canadienne du cancer au marché IGA de East Angus. Activité Mijoton à dos à la salle Guy Veilleux de Cookshire le 27 mars. Comme le nom le dit, ça s'adresse aux ados. Pour cuisiner et apprendre à cuisiner. Informations ou inscriptions à 819-416-1508 ou à larelevehsf@hotmail.ca. Atelier sur les ITSS pour les 12-17 ans, offert par Iris Estrie le 27 mars dès 18h30 à la Maison des jeunes de Saint-Isidore de Clifton.